En panne. Awful. Affreux. MP3 player. Le lecteur MP3. Ago. Il y a. Together. Ensemble. Now, a bit faster. Together. Ensemble. Ago. Il y a. Broken down. En panne. Awful. Affreux. Sad. Triste. Ago. Il y a. MP3 player. Le lecteur MP3. Sad. Triste. Ago. Il y a. Sad. Triste. Broken down. En panne. Ago. Il y a. Broken down. En panne. Together. Ensemble. Now, use the words in context. Triste. I'm really sad. Je suis vraiment triste. L'ordinateur. I use my computer all the time. J'utilise mon ordinateur tout le temps. En panne. Our television is broken down. Sa télévision est en panne. Il y a. I bought my first MP3 player 2 years ago. Il y a 2 ans, j'ai acheté mon premier lecteur MP3. Ensemble. They often go to the movies together. Ils vont souvent au cinéma ensemble. L'ordinateur. I use my computer all the time. J'utilise mon ordinateur tout le temps. Il y a. I bought my first MP3 player 2 years ago. Il y a 2 ans, j'ai acheté mon premier lecteur MP3. Ensemble. They often go to the movies together. Ils vont souvent au cinéma ensemble.